On a appris une mauvaise nouvelle la semaine dernière. Le pilote automobile Raphaël Lessard est à un cheveu de ne plus être capable de poursuivre sa carrière ou encore du moins la saison avec GMS Racing en camionnette. Et question un peu de savoir s'il y a eu des développements depuis les entrevues qu'il a données à cette passion, on lui parle. Salut Raphaël. Salut, ça va bien? Ça va bien Raphaël. Est-ce qu'il y a eu des développements? Je sais que tu as donné plusieurs entrevues à des médias la semaine passée pour expliquer la situation. Est-ce que le cri du cœur un peu que tu as donné a donné des résultats? Ben c'est sûr que on commence à avoir du monde qui nous appelle ou qui nous écrit pour voir de quelle manière ils peuvent m'aider. Fait que ça, c'est vraiment plaisant de voir ça. Mais c'est sûr que, regarde, on est encore dans la même situation, mais on travaille fort. C'est le fun de voir que la plupart des gens, ils veulent pas que ça arrête, puis ils Voilà. veulent que ça continue, puis ils essayent de trouver une façon pour que ça fonctionne. Fait que ça, je suis vraiment content de voir ça, mais faut juste continuer à être positif, puis travailler fort, puis essayer de se retrousser les... Mais Raphaël, explique la situation, parce que me semble qu'en début d'année, tu avais dit, si je comprends bien, quand tu as fait le switch avec GMS Racing, le changement, tu avais dit que tu n'avais pas le financement pour faire une saison complète, mais tu avais pour à peu près 17 à 20 courses. Est-ce que je me trompe que c'était ça que tu avais donné au début? On est loin de ça, là. Ouais, mais c'est ça. Mais notre but avait toujours été de faire la saison complète. On avait annoncé une moitié de saison Ouais. en début. Puis là, notre but c'était de signer la saison complète. Puis comme on a fait presque à chaque année durant la saison, d'aller trouver le reste du montant puis aller chercher des nouveaux partenaires. Puis là, je dirais que cette année c'est encore plus dur que jamais, avec la pandémie encore, les douanes fermées encore une fois, on dirait que y a rien pour nous aider de ce côté-là. Fait que c'est un petit peu frustrant, mais regarde, on est rendu là, puis il faut juste essayer de trouver des gens qui sont prêts à m'aider. Là, on commence à recevoir un petit peu des téléphones puis du monde qui nous écrit. Fait que c'est positif. Ben, au C'est moins, juste que c'est pas l'indifférence, au moins. C'est ça qui est le fun, c'est que t'es pas dans l'indifférence. Si le téléphone sonnerait Non, pas, ce serait bien plus ce serait bien plus décevant. non. Ouais, exactement. C'est sûr que si le téléphone sonnerait pas puis qu'on verrait qu'il n'y a personne qui a envie que ça continue, ben là, c'est sûr que on serait plus à terre, là. On voit qu'il y a beaucoup de monde qui écrivent, puis on travaille fort, fait qu'on ça l'emmène du positif un petit peu. C'est sûr que faut que ça bouge, puis faut qu'il y ait des choses qui arrivent, puis des personnes qui lèvent la main bientôt pour que ça continue. Mais gardons, on OK. travaille fort, comme j'ai dit, puis on essaye de continuer à avancer, puis on est dans le téléphone à tous les jours pour essayer de trouver la solution. Sans dévoiler des secrets, est-ce que c'est des noms connus dans le monde québécois? J'imagine que c'est des hommes d'affaires du Québec. J'imagine. Est-ce que c'est des gens qui ont des poches profondes? Pas nécessairement. Je dirais qu'il y a plusieurs compagnies, que ce soit des petites compagnies au OK. Québec, familiales ou des choses comme ça, qui nous ont écrit. C'est sûr que ça serait vraiment plaisant que quelqu'un arrive puis qu'ils veulent être un partenaire majeur. Ça, c'est sûr que ça serait toujours l'idéal. Mais comme c'est là, on accepte tout. Tu sais, si ça prend pas juste un partenaire majeur, ça peut être. On peut avoir le même résultat avec plusieurs petits partenaires qui se regroupent ensemble, puis au bout de la ligne, ça fait un gros montant, puis ça m'aide énormément. Fait que c'est sûr qu'on accepte tout, mais c'est le fun de voir que souvent, il y a des compagnies que c'est pas nécessairement des grosses compagnies, mais qui m'écrivent pour voir de quelle façon tu pourrais m'aider, puis même si ils ont peut-être pas le budget que d'autres compagnies énormes ont. Fait que c'est le fun d'avoir ça du monde, mais gardons. Il y a beaucoup de choses qui bougent, puis on se croise les doigts, ça c'est sûr. Le sport automobile est pas in au Québec, hein. Tu serais pas le premier. Je souhaite vraiment de tout cœur que ça continue pour toi, mais tu serais pas le premier avec qui tu avais beaucoup de talent puis que ça qui est obligé de qui se sont pas rendus au bout de leur rêve en raison de faute d'argent. Jean-Doux Rangé, Marc-Antoine Camiran, la liste est longue. Là. Kevin Lacroix, Donc, j'espère de tout cœur qu'on va voir ton potentiel, puisque toi, tu as le potentiel pour aller à la Coupe, là. Puis, je sais. Ben, en tout cas, un gros merci. En tout cas, on espère pas être le prochain que ça arrête, là. C'est Non. sûr que ça serait vraiment décevant parce que, veux pas, quand tu sacrifies tout pour ta carrière les dernières années, puis tu travailles fort, c'est sûr que tu veux pas que ça s'arrête comme ça. Ça serait vraiment, Là, c'est vraiment, vraiment plate. Fait qu'on travaille. On travaille fort pour que ça continue, ça, c'est la sûr. prochaine course est le 17 avril. Est-ce que tu vas faire la prochaine course actuellement? Est-ce que tu es déjà assuré? Ah, ben, sinon, quelqu'un faut que tu saches, là. C'est supposé la prochaine course, c'est le but, c'est de la faire. On est censé être OK. capable de faire Richemont qui est le 17 avril, mais c'est sûr que c'est après ça qu'il faut, puis maintenant, dès maintenant, qu'il faut commencer à planifier pour après, pour pouvoir continuer. Ok. Dis-moi, t'es content de ta saison jusqu'à maintenant? Oui, c'est sûr que ça a été un début de saison frustrant d'une Ouais. manière ou d'une autre parce que on a toujours eu de la bonne rapidité, mais on a toujours eu les résultats qui montraient pas qu'on avait beaucoup de rapidité. Fait qu'on a toujours eu des ennuis en fin de course, sauf Bristol qu'on voulait. On s'est en allé à Bristol la dernière course, puis on s'est dit, bon, là, faut tourner notre saison de bord. Faut avoir une bonne course, finir. Puis on avait beaucoup de rapidité. On a parti 29e, puis on a fini la course pour une fois bien fini, sans ennui. Puis on a fini 3e. Fait que j'étais très content de ça. C'est Ça super a battu, prouvé ça. que si on peut finir nos courses, on peut finir en avant. C'était sur terre battue, ça, là. Ouais, première course sur terre, c'était La assez excitant. différence, J'ai elle est-tu vraiment aimé énorme? ça. Ah oui, c'est énorme. Ouais. C'est un autre niveau de conduite. C'est sûr qu'il faut vraiment que tu t'adaptes, puis que tu laisses de côté un petit peu toutes tes techniques sur l'asphalte pour que tu les laisses de côté, puis que tu apprennes, puis que tu absorbes toutes les informations de la terre. Mais moi, j'ai adoré ça. En tant que pilote, mon but, c'est d'être bon dans n'importe quoi que je fais. Puis ça, c'est la terre. J'avais toujours rêvé de courir sur la terre. Puis là, j'ai enfin réussi à faire une course. Puis ça a très bien été. J'étais très content. Bon, ben, Raphaël, on va te souhaiter la meilleure des chances. On espère grandement que ça ne s'arrêtera pas là. On va suivre le dossier de près après le 17 avril. La date limite qu'il faut que tu donnes, c'est quand? Ah, ben, c'est sûr que on est. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on est presque à minuit moins quart. OK. Fait qu'on est comme un petit peu pressé, mais on travaille fort avec GMS aussi pour que GMS nous aide d'un côté. C'est sûr qu'ils m'apprécient, puis ils veulent que ça continue pour moi, fait qu'ils essaient de travailler avec nous. Fait Ben, qu'on j'espère. espère qu'ils vont travailler avec nous le plus possible pour nous donner peut-être un petit peu plus de temps, mais comme c'est là présentement, on est assez serré dans le temps. Effectivement. On se parle bientôt, Raphaël. Un gros merci. Le cours automobile, Raphaël.